On va parler d'NBA avec notre ami Pascal Jobin ce beau samedi matin. Salut Pascal. Bon matin, Danny. Pascal, on va se parler d'abord, c'est la pause du match des étoiles de la NBA. Cette année, on fait ça en une journée. Habituellement, il y avait un gros show le samedi soir. Le gros show va être retardé un peu et on va faire ça en 1h30. Question, est-ce que tout faire ça dans la même journée, c'est une bonne idée? Ben, c'est une très bonne idée vu la situation de la pandémie, selon Ouais, moi. ok. Fait que on veut que les gens arrivent, fassent les activités puis repartent tout de suite. Donc, Ok. on veut le moins d'interactions et le moins de temps. T'sais, je pense que beaucoup de joueurs ils vont participer, mais beaucoup de joueurs étaient contre. Tu t'en souviens, Daniel, on a eu la chance d'en parler il n'y a pas longtemps. On aurait pu se passer du match. On aurait pu nommer les étoiles, mais je pense qu'on aurait pu se passer du match. Mais regarde, C'est pas la nécessairement par la NBA. COVID que j'ai pu comprendre ça. C'est parce que les gens en avaient peur. Tu sais, il y a un calendrier chargé. Il n'y a eu pas eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup, beaucoup aussi de matchs en peu de temps. C'est pour Oui, ça. ben c'est ça, c'est pas juste pour la. Comme tu as dit, c'est pas juste la COVID. Moi, je pense aussi de donner un repos aux joueurs, de donner une pause, une vraie pause aux joueurs. Puis tu sais, tu fais match des étoiles, c'est quand même des joueurs de différentes équipes, là. Mais tu mélanges du monde, tu sais. Mais comme tu as dit, c'est aussi une période. Si on prend le temps, la journée que les Lakers ont gagné le championnat à Orlando, 70 jours, je pense. au camp d'entraînement, ben c'est ça. Fait que je pense que certains joueurs, dont LeBron, qui dit, ben, Giannis, moi, j'aimerais ça me reposer un peu. Ouais, effectivement. Donc, c'est pour ça. Il n'y aura pas de joueur des Raptors. On pensait que Grant Lee allait être là. Mais finalement, c'est pas le cas. À cause du match d'étoiles, comment tu vois les Raptors? Est-ce que tu es content? Ben, on a vu une montée progressive. Moi, ce que je suis plus content, c'est que le succès des Raptors, ils ont passé, je pense qu'ils se retrouvaient comme en 11 ou 12e place, puis tranquillement, pas vite, sont remontés dans les top 8. C'est le développement, l'opportunité de Chris Boucher, notre jeune de Montréal. Il a fait 30 points le dernier match aussi, Ben, c'est ça, il y a un gros rôle. Puis là, hein? on voit des. T'sais, on n'a pas juste des joueurs québécois qui sont dans la NBA, c'est des joueurs qui sont dans une situation avec Lugansz Doerr où ils sont une partie intégrale de l'équipe. C'est pas une faveur, là, t'sais. Non. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je pense qu'on va quand même. Je suis pas mal convaincu qu'on va laisser partir, qu'on cherche une façon d'échanger Kyle Lowry. Parce que l'équipe va bien quand il est pas là. Puis dernière année de contrat, l'équipe vieillit. Quoi, c'est 30 millions son salaire, à peu près? Ouais, 30 millions, mais c'est juste je pense que Toronto doit passer à autre chose. Ben ouais. Et Kyle Lowry, j'aimerais ça le voir peut-être à Philadelphie, pas à Chicago. J'ai entendu parler de Chicago. Il vient de Ouais, j'aimerais ça Philadelphie. le voir à Philadelphie parce que Philadelphie, c'est quand même une équipe qui a une chance de faire de se rendre en finale de la NBA, là. C'est peut-être le joueur, on voit Ben Simmons qui joue un petit peu plus à l'extérieur, qui domine moins le ballon que d'habitude, puis un joueur comme Kyle Lowry pourrait aider surtout dans les séries, selon moi. Fait que je souhaite mais on est capable de se débrouiller sans Kyle Lowry. T'sais. Je pense que Siakam n'est pas le. T'sais, il a pas fait le match d'étoiles, tu l'as mentionné, on n'a aucun rappeur dans le match d'étoiles. Je pense que Siakam, est-ce qu'il a regressé ou ben non, est-ce que c'est pas le numéro un d'une équipe NBA, parce que tu as des joueurs, Danny, même Ils sont pas son. capables de le prendre, on l'a pris, Exactement. on en a parlé l'autre fois, là. Ils sont pas capables de quand tu lui mets un rôle supplémentaire, il est pas capable de le prendre. Exact. Fait que c'est quand la date limite des échanges en passant, hein? Bonne question. D'habitude, je le savais, mais là, Mais là avec tout avec ce qui se passe, moi. ouais, c'est ça. J'ai pas pris le temps de regarder, mais ça, c'est. D'habitude, c'est juste un peu après. C'est pas avant le match d'étoiles. Il me semble que c'était avant. Là, je pense qu'on a décidé de faire ça après le match d'étoiles. Ouais, c'est sûrement après le match d'étoiles, puisqu'on aurait entendu parler, mais quand même. Probablement d'ici la fin mars. Ok. Donc, on va suivre ça de très très près. Il y aura beaucoup de rumeurs. Tu veux parler de Blake Griffin? Mais c'est ça, je pense que ça s'est fait hier, je me trompe pas, ou C'est avant-hier, jeudi, donc j'ai vu ça. jeudi dernier, ben c'est Ouais. ça, avant-hier, où on a décidé on n'a vraiment pas été capable de. Il n'y a aucune équipe qui a pu le prendre là, au niveau, je pense qu'il reste 38 millions ou 39 millions dans les C'est deux son prochaines années. salaire, Ouais, c'est ça. Puis Blake Griffin, finalement, Tom Gorey, le propriétaire des Pistons, a décidé d'acheter son contrat. Donc, hein? sauver un peu de sous. Ça veut dire qu'en achetant le contrat, on enlève des livres, on libère une position pour Détroit. Ce qui va être intéressant de Blake Griffin, même si c'est plus l'athlète qu'il était dû aux certaines blessures, je serais pas surpris, moi, de le voir retomber, exemple, parce qu'il peut aller un peu où il veut, là. Ouais. Mais je serais pas surpris de le voir à Brooklyn. OK. Ça Pour donner un serait petit peu intéressant. Ben, une grosse aide, puis c'est un joueur quand même qui peut aider beaucoup dans les séries. Il a quand même, mais il a changé un peu son style de jeu. Tire beaucoup mieux de la 3 points. Tu sais, il a amélioré des choses, mais c'est plus le joueur dominant. Puis je pense que à la semaine dernière, c'est un joueur de 25 points par match, Danny, à l'époque. Puis cette année, il tourne à peine à 12 points par match. Donc, ça serait un bon joueur de rôle pour une équipe comme Brooklyn qui veut gagner le championnat NBA. Puis je pense que c'est quelque chose que Blake Griffin aimerait avoir, c'est cette opportunité-là de gagner le championnat NBA. Fait que moi, je serais pas surpris, Danny, de le voir avec Brooklyn. Ah, ok, cool. Puis un peu amener un petit peu de profondeur au Nets de Brooklyn. Exact. Puis l'autre gros nom que l'équipe a aussi acheté son compte. Oui, il a acheté son contrat, je ne me trompe pas, c'est Andrew Drummond. Puis lui, je ne serais pas surpris de le voir. Peut-être même retomber avec les Lakers. Ok. Parce qu'on parlait des Raptors, j'ai vu beaucoup de rumeurs provenant des Raptors. Mais tu Ouais, sais, on les parle Raptors. beaucoup de. Exactement, exactement. Ouais. Ça, c'est si Kyle Lowry quitte. Ouais, effectivement. Hey, je reviens chez les Raptors, je veux te parler. Il y a un joueur japonais qui s'appelle Yuta Watanabe. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup de japonais dans l'histoire? Je pense qu'il y en a eu un avant lui avec les Mavericks de Dallas. Ok. Mais très rare là, au niveau du Pourquoi Japon. Plus de le. la Chine, mais un petit peu moins du Japon. Mais c'était moins développé dans l'Asie, le basketball. C'est la Chine, Ah non, puis non, Yao Ming. là, Ouais, c'est ça. ben il y a eu Yao Ming, mais tu sais, de. Non, mais Danny, Ouais. le basketball en Asie, c'est Dieu, là. Ouais, je savais qu'en Chine, mais au Ouais, ouais, Japon. ouais. Non, non, mais en Asie aussi, là, aux Philippines. Ouais, ok. Non, non, non, c'est du gros basketball là-bas. Là. C'est, je te dirais, Danny, aux Philippines, les arénas de basketball, là, Ouais. il y a plus de monde qu'au hockey, la Ligue nationale de hockey. Ok. Je te donne une idée comment c'est populaire. Là. C'est quand même deux étrangers, là. Moi, je Mais savais qu'en Chine. le basketball en Asie, en Chine, c'est énorme, mais en Asie, c'est gros. Ok. En Asie, on aime le sport, premièrement. Là. T'sais, Ouais. Mais le basketball, c'est un des sports les plus joués en Asie. Ok. Mais il n'a pas eu plus que ça des Japonais. C'est quand même bizarre pareil. Ben, bizarre, bizarre et non, là, tu sais, si en général, peut-être on a vu plus d'Européens, là, tu sais, Ouais. avec la Euroleague, tout ça, mais quand même, de créer des joueurs NBA, tu sais, c'est souvent le côté, les Chinois, parce que t'as une portion de la Chine, c'est des joueurs de 7 pieds, c'est des joueurs de 7 pieds 1, tu sais. Puis au Japon, il y a beaucoup moins de grandeur, mais il y a beaucoup de talent. Fait que je suis pas surpris que ça l'arrive maintenant, puis ça va continuer, il va continuer à en avoir. En tout cas, il y en a un qui a monté vite, puis il a baissé aussi vite qu'il a monté, c'est Jeremy Lin. Il est dans G League cette année, je l'ai vu Ouais, une mais fois lui, dans une tu game de G League. sais, lui, c'est un Asiatique, mais c'est vraiment un Américain de la Ouais. Californie, là, tu sais, c'est un gars de la Californie. Fait que, tu sais, c'est Jeremy Lin qui était à Harvard, il était pas vraiment recruté, c'est un petit peu, il a connu une période, juste de faire la NBA comme joueur autonome, un peu à la Joel Anthony à l'époque, un peu à la Ouais. Logan Ford, tu sais. Mais c'est parce que quand il est arrivé avec les Knicks, c'était avec les Knicks qu'il a eu son nom de gloire, non? Ouais, c'est avec les Knicks qui a eu Tu son heure sais, de gloire. c'était incroyable, là, comment. Mais Ouais, ça a descendu moi, aussi j'avais vite la. que ça a Ouais, monté, là. moi j'étais physiquement à Toronto. Ouais. Et je suis rentré dans le vestiaire des Knicks et j'ai demandé à. J'ai emmené Paul Rivard faire l'entrevue dans le vestiaire. J'ai été voir Jeremy Lin personnellement pour lui dire écoute. T'as-tu 2 minutes, puis pendant que tout le monde était dans le corridor, Ok, c'est bon ça. puis Paul a eu une entrevue avec Jeremy Lin dans la période où c'était le plus chaud. Hey, ça a changé à TVA Sport, hein, quand tu dis qu'au début, là, tu faisais les matchs des Raptors à Toronto, Ouais. en tout cas, ça c'est un autre sujet. On ne Ah, s'éternisera pas là. on en parlera un jour, mais ouais, on était physiquement là-bas, c'était vraiment le fun. Ouais, Ça a c'était. été une belle expérience, j'ai Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Des très beaux souvenirs de ça. Hey, en terminant, j'ai fait un entrevue avec Guichard Barthélémy hier, Ouais, un autre Québécois, un là, autre fait que Québécois. Il semble. Il a pas joué comme. Il a joué un match comme partant avec l'Université du Colorado. Donc, toi, tu l'as connu un petit peu quand il était. Avec Broco d'élite, avec Ouais. Jamil Telfort, un de mes joueurs, là, C'est. j'ai eu le temps de dire pendant l'été, non, c'est tout un meneur, c'est tout un joueur. Est-ce que tu penses, il y a pas, lui, on entend plus parler de Mathurin, de Quincy Guerrier, puis tu en as un autre, apparemment Northeastern, tu me dis que lui, c'est un futur prospect. Ouais, c'est toujours une question d'opportunité, qui tu es, qui tu vas devenir. Fait que, tu sais, on parle Mathurin, on parle qu'il pourrait quitter après cette année dans la NBA. Exemple, tu comprends? Quincy Guerrier, même si c'est sa deuxième année à Syracuse, il est quand même rendu à 22 ans, 21, 22 ans, Quincy. C'était un gars mature, mais il connaît une super saison. Et on en a déjà parlé, Danny, puis je le dis souvent, quand t'es chaud devant la NBA, faut que tu y ailles. Tu ne veux pas refroidir. Tu sais, quand tu parlais de Jeremy Lin, il y a eu, tu sais, c'est des hauts et des bas. Mais quand tu es chaud dans la NBA, fait Quincy, c'est peut-être le temps de mettre son nom dans le repêchage. Puis, mais en ce moment, Barthélémy, ben c'est ça, Il est il même pas doit partant, comment. il est pas partant Non, non, encore. mais c'est ça, mais il reste encore 3 ans après cette année. Donc, il y a du temps. On a du temps. On a du temps, puis lui il dit l'an prochain c'est d'être partant. Vous allez voir ça la semaine prochaine sur les ondes. Je l'ai Ah, mais ça, enregistré, mais je l'ai pas mis en ligne encore. je suis capable d'être le bonheur partant de cette équipe-là. Ah oui, ok. Y en Absolument. a-tu d'autres des Québécois qu'on va entendre parler ben là, avec cette COVID-là, ça a ralenti beaucoup, là, mais est-ce qu'il y aurait eu d'autres que tu qui pourraient s'aligner avec des universités prestigieuses que tu Ben, connais? on a la suite des joueurs, mais si tu me poses une question d'une année où j'ai vu personne, tu sais, veux dire, fait que c'est le talent à Montréal, il est là, Danny, ça va continuer, ça va pas arrêter, et faut comme on a 3 jeunes qui sont dans l'académie, je pense, on a 3 athlètes du Québec dans l'académie NBA au Mexique en ce moment, on a plusieurs joueurs dans certains prep schools aux États-Unis, donc ça va pas arrêter, Danny. Puis on a des jeunes, c'est une année très très décevante parce qu'ils ont pas eu de, nous, on a empêché, tu sais, aux États-Unis, là, j'ai un de mes jeunes, un de mes anciens de Mortagne, moi, qui a déjà joué 25 matchs de cette saison-là. Il a pas manqué le bateau, là, mais ici, on a 0 match, là. Ça, c'est vraiment décevant. Fait que, Alors, demain. mais ça va continuer. Hein. On a du très beau talent à Montréal. Ok. Pascal, un gros merci, au plaisir de se parler. Ah bien, ça fait plaisir, Danny. À bientôt. Notre ami Pascal.